Chapitre 12e, Cotteret, le 18 juillet 1880 et quelques. Ma chère Nadia, tu es cause que ta pauvre Claire a passé la nuit sans fermer l'œil. Mais ce ne serait rien si j'étais sûr que tu as dormi mieux que moi. Depuis hier, je me demande si je peux, si je dois t'adresser cette lettre. Maintenant, décidé à t'écrire, je me demande comment t'écrire. Que la tendre amitié de sœur que j'ai toujours eue pour toi me conseille. Il s'accomplit dans ta vie, je le devine, j'en suis certaine, quelque chose de dangereux, de fatal. Aussi, je te délie aujourd'hui d'une promesse que je t'avais imposée et que tu m'as faite. Quand la maison brûle, on ne regarde pas à enfoncer les portes pour sauver ce qu'on aime. Donc, je vais te parler de lui. Je l'ai rencontré hier ici, par hasard. Je l'ai trouvé triste, changé, maigri, mourant d'envie de me faire des questions, mais n'osant pas, puisqu'il croit que je ne sais rien. Quant à moi, tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il est, depuis son départ de Paris, sans nouvelles de toi. Qu'y a-t-il donc entre vous? Une rupture? Ma chère, je vais être franche et t'avouer que je la bénirais, cette rupture, si tu devais désormais vivre en écartant de toi l'ombre la plus légère d'un reproche. Dieu m'est témoin que je te parle ainsi sans la moindre intention de te juger, ou d'établir entre nous quelques comparaisons orgueilleuses. Pauvre ami, j'ai une fille pour me garder, moi. Mais si cette rupture est de ta part un changement, non pas une fin, sache que tu me désespères, que tu m'indignes, que tu m'éloignes. 1, c'est trop. 2, cela ressemble à 10. Pardonne-moi. Je t'écris comme si j'avais des cheveux blancs. Ah, Dieu, dès aujourd'hui, je voudrais que la neige plus sur ma tête, si je devais à ce prix voir heureux tout ce que j'aime. Prouve-moi que j'ai bien fait de t'écrire en me répondant au plus vite, maintenant que je t'ai parlé à cœur ouvert. Jusqu'à l'arrivée de ta lettre, je serai bien malheureuse. Ta fidèle Clairon. Port-Blanc, Côte du Nord, le 21 juillet, minuit. Ah oui, tu as bien fait. Maintenant, il me semble que je suis sauvé, mais il était temps. Tu l'as deviné, il se passe quelque chose de fatal. Depuis 15 jours, je lutte, seul, contre un adversaire terrible. Surtout, je lutte contre une parole que je lui ai dite. Mon Dieu, comment vais-je faire pour que tu me comprennes? Comment comprendras-tu, toi, qu'on dise à un homme « je vous aime » quand ce n'est pas vrai? Eh bien, cet acte invraisemblable, je l'ai commis. Ces paroles, je les ai fait entendre à un être dont l'étonnant pouvoir m'obsède. Et veux-tu savoir quel sentiment il m'inspire, celui-là? Si j'apprenais demain qu'un malfaiteur l'a égorgé cette nuit pendant qu'il dormait, je me jetterais à genoux pour remercier Dieu. Voilà comment je l'aime. Je n'aime et je n'aimerai jamais qu'un homme au monde. Tu le connais depuis longtemps, ou plutôt tu ne le connais pas. Car je ne le connaissais pas moi-même avant ma folie. Je ne sais où il a pris son cœur, ses sentiments, les mots qu'il trouve pour rendre le courage. Paul est un ange, un dieu. J'espère bien mourir pour lui quelques jours. Ah, comme tu serais miséricordieuse et bonne de lui dire cela. Pardonne-moi, je sais bien que c'est impossible. Tu ne connais pas l'autre non plus, bien que tu l'aies vu chez moi. Ni ange, ni dieu, le marquis de R, je t'en réponds. Pourquoi s'acharne-t-il après moi, je l'ignore. Il prétend m'aimer. Je crois qu'il m'aime en effet, à sa façon. J'ai même cru, dans un temps, l'avoir converti. Nous sommes toutes les mêmes. Quand il m'a fallu, sur de trop bonnes preuves, revenir de mon erreur, je l'ai repoussé. Il a disparu, moitié furieux, moitié désespéré, pendant 15 jours. Si j'avais eu un mari, je me serais jeté dans ses bras en lui disant de me défendre. En certains cas, hélas, l'être le plus adoré ne remplace pas un mari. Le 2 juillet, mon bourreau a reparu subitement, ne pouvant pas rester loin de moi plus longtemps, disait-il. Je ne l'attendais pas. Son entrée m'a surprise. Ah, quelle entrée! Figure-toi une de ces trompes de vent qui ouvrent une fenêtre, s'engouffrent dans la chambre, dispersent les objets, font voler les draperies, éteignent les lampes. On ne sait pas où l'on en est. Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai perdu la tête et j'ai dit les paroles fatales, espérant sottement qu'on me laisserait ensuite. Est-ce que je les connaissais, moi, ces habiles gens qui ont, pour réduire une femme, la même méthode infaillible que pour venir à bout d'un cheval rétif? Toutefois, ne va pas supposer que je lui ai donné quelque chose de plus. Pas un cheveu de ma tête. Et mon Dieu, si j'avais cédé, il ne serait plus question de lutte. 2 heures après, Paul entendait ma confession. M'a-t-il cru? M'a-t-il comprise? Cet être surhumain prétend que oui. Partons ensemble, me dit-il, et oublions tous les deux. Hélas, pourquoi n'avons-nous pas pu nous enfuir? Sur l'heure. Mais il devait avant tout faire une courte absence, pour une affaire indispensable. Il m'a quitté pour 2 jours, me disant d'être prêt à monter en wagon le surlendemain. Nous ne pensions guère, ni lui ni moi, que j'y monterais avec un autre. Le jour suivant, quand R est revenu, je l'ai laissé parler d'abord. Ma pauvre Claire, quelle leçon pour les femmes! Cet amour pur, éthéré, dont il m'avait parlé 100 fois, venait subitement de changer de forme. Au fond, j'aimais mieux cela. J'ai eu plus de force pour lui dire que mes paroles de la veille étaient une hallucination, que je ne l'aimais pas, qu'il me méconnaissait, qu'il n'avait qu'une chose à faire, partir, et cette fois pour ne revenir jamais. Je craignais une scène de désespoir, car je ne puis supporter la vue de la souffrance. Il n'y a pas eu de désespoir, mais une colère. Oh mon Dieu! N'a-t-on donc vraiment pas le droit de s'arrêter à moitié chemin sur une mauvaise route? Est-on pour cela, comme il me l'a crié, une créature indigne, méprisable, perverse? Mais tout cela n'était rien. Si tu avais entendu ces menaces, non pas contre moi, mais contre l'homme que j'aime, car il a deviné que je dois aimer quelqu'un. Pourrais-je autrement repousser celui que tout le monde sait irrésistible? Prenez garde, m'a-t-il dit, vous serez épié jour et nuit, et si je découvre quelqu'un, je le tuerai sur mon nom. Je n'ai rien répondu, mais j'ai dû devenir blême d'épouvante, et ce trouble n'était pas fait pour endormir ses soupçons. La vie de Paul mise en danger à cause de moi, par moi. À peine seul, j'ai organisé ma fuite, comprenant que tout serait perdu si je restais à Paris entre ces 2 hommes. Je connaissais pour Blanc un village perdu de la côte bretonne. Pour y avoir passé 1 ou 2 semaines, j'ai choisi ce refuge, mais en écrivant à Paul pour lui annoncer mon départ précipité, j'ai feint d'ignorer le but de mon voyage, craignant que, malgré ma défense, il ne se trahît en venant me rejoindre trop tôt. 2 heures plus tard, je roulais sur la ligne de Rennes. Le matin me trouve dans une petite gare où je devais quitter le chemin de fer pour une diligence misérable. Je venais d'y monter quand Juliette pousse un cri. Je me retourne. Le marquis était à la portière, le chapeau à la main, me saluant comme une amie rencontrée par hasard en voyage. Quand nous fûmes seuls dans le coupé, « Je croyais, me dit-il, vous avoir prévenu qu'on ne se moque pas de Roxervière. Ainsi, vous allez au bord de l'océan, moi aussi. J'ai deviné hier dans vos yeux que vous aviez des projets de voyage. Pardonnez-moi de vous avoir suivi. J'irai au bout du monde, après vous. Que te dirais-je de plus? Il est ici, campé dans une sorte de chaumière à quelques centaines de pas de la maisonnette qu'il a louée pour moi. Car en mettant pied à terre à Port-Blanc, j'étais si découragé que j'étais hors d'état de m'occuper de quelque chose. Il vient me voir tous les jours. J'ai voulu fermer ma porte. Il a dit qu'il l'enfoncera d'un coup de poing, que c'est son droit puisque je l'aime. Je lui ai juré que je le hais, mais il a haussé les épaules. Cet homme est magnifique de confiance en lui-même. À quoi bon lutter contre votre cœur, a-t-il fait d'un air superbe? Je vous assure, lui ai-je dit, que je vais tomber malade. Tant mieux, a-t-il répondu, j'aurai le plaisir de vous soigner. Je n'ose pas entrer en guerre ouverte avec lui, ni essayer de fuir encore, et cependant, chaque fois qu'il frappe à ma porte, mon cœur remonte dans ma gorge. Tantôt il est froid comme un geôlier, tantôt il s'emporte et menace. Quelquefois il pleure. D'autres jours il est cynique, avoue qu'il me quittera dès qu'il m'aura possédé. Le lendemain, il baise ma robe à genoux, déteste ses blasphèmes de la veille, dit que je lui fais perdre la raison, que je venge toutes les femmes qui ont souffert par lui. Alors il maudit le jour où il m'a rencontré, et j'ai mis d'aimer pour la première fois à la veille de devenir un vieillard. Mais cette torture n'est rien à côté de celle que me fait éprouver le silence de Paul. Pas une seule fois il ne m'a écrit. Ses lettres me parviendraient comme la tienne m'est parvenue. Juliette, une fille précieuse et dévouée, a trouvé le moyen de faire arriver ici mon courrier d'une façon sûre. Quant à moi, je n'ose écrire à Paul. Il apparaîtrait le lendemain, et tu devines la scène. Ou bien, qui sait? Qui peut me dire s'il m'aime encore, s'il n'est pas révolté, détaché de moi par mon silence? Tous les jours, j'espère que mon bourreau va se fatiguer, partir, et que je pourrai rejoindre l'homme que j'aime. Oh, Claire! je n'osais pas te confier mon humiliation. Mais maintenant que tu la connais, tu vas me sauver, n'est-ce pas? Je t'implore, je te bénis, je t'embrasse. Nadia. Ayant achevé de lire la confession de sa cousine, Claire de Chalonne, saisie d'un étrange soupçon, réfléchit attentivement et compara quelques dates. Puis elle mit son chapeau et sortit sans perdre une minute. 5 heures sonnaient. Elle prit le chemin du casino, sachant qu'à ce moment de la journée, Lucien Sireuil faisait son écarté. Mandé pressamment par 2 lignes au crayon, l'avocat descendit aussitôt et vint retrouver la comtesse qui l'attendait avec impatience. « Vous avez besoin de moi ?» dit-il. « Oui, grand besoin, si vous êtes mon ami. » « Un véritable ami, chère madame, très dévoué, très sincère et très discret. »« Oh, discret, il s'agit précisément de ne pas l'être. Savez-vous ce que je viens vous demander ?» Le nom de la personne avec qui M. de Roxervière était à Saint-Jean-de-Luz. « Diantre, comme vous y allez. Voyons, si c'était vous, seriez-vous bien aise que je parle ?»« Et voilà pourquoi vous me faites venir au moment où j'allais annoncer 90 ?»« Dites-moi ce nom et retournez à votre partie. Vous n'y pensez pas. Au contraire, j'y pense beaucoup. Par grâce, dites-moi ce nom, je vous en conjure. Il me le faut, tout de suite. »« Impossible, madame. Le vieux Sireuil ne fait pas de ces coups-là. Je plaide les procès scandaleux, mais je ne leur aide pas à éclore. » Et puis, avant le procès, il y aurait un duel. Ah non, pas de ça, Lisette. Au revoir, je me sauve. Il faut fuir les tentations, surtout quand les tentatrices vous ressemblent. Écoutez, monsieur Sireuil, si vous persistez à vous taire, je vous jure que demain, avant midi, je serai à Saint-Jean-de-Luz, et quand je devrai m'adresser à la police, il faudra bien que je sache ce que je veux savoir. Lucien Sireuil réfléchit un instant, puis il dit à madame de Chalonne, « Ah, je crois que j'ai compris. Et je m'explique maintenant certaines particularités qui m'intriguaient hier soir. Il s'agit de... d'éclairer votre cousine sur la sincérité du marquis. Hélas, oui. Et vous sentez bien que votre indiscrétion restera entre nous trois. Une fois déjà, vous avez défendu Nadia. Il s'agit de la sauver aujourd'hui. À présent, vous ne refuserez plus de parler. Ah, satanée Roxervière. Enfin, madame... Soyez prudente. Je vous livre l'honneur, la vie peut-être, de la vicomtesse de Saint-Riol. Soyez tranquille, répondit Claire. Son secret ne court aucun risque entre mes mains. Si quelque jour il devait arriver malheur à cette femme, je vous jure que ce ne serait point à cause de votre révélation. Ils se quittèrent à ces mots. La comtesse rentrait chez elle pour écrire, mais en route, elle songea que sa lettre mettrait 36 heures pour arriver. Alors elle se rendit au télégraphe et, après avoir déchiré plusieurs brouillons, les uns compromettants par leur clarté, les autres peu intelligibles, elle expédia cette dépêche à Port-Blanc, reliée par son sémaphore au reste du réseau télégraphique. On t'abuse indignement. Le voyage du mois dernier a été accompli en vue de madame de Saint-Riol. Refuse de le prendre à ton compte, étrange énergiquement la situation. Leur rencontre a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz. Nous pouvons produire des témoins. Claire. Port-Blanc, le 25 juillet. C'est fini. Grâce à toi, j'en suis délivré. Je venais de lire ta dépêche, dont j'ai compris sans peine le sens, quand il est arrivé chez moi plus tyrannique, plus sombre que jamais. Je l'ai accueilli en lui faisant part, très froidement, de ce que je venais d'apprendre, sans lui dire mon auteur, bien entendu, ni le nom de la dame. Ma chère, cet homme si beau, car il l'est à coup sûr, est devenu subitement laid, très laid, comme le mensonge. Il n'avait plus envie alors de plonger ses yeux dans les miens, en fascinateur. D'abord, il a nié, non pas son voyage à Saint-Jean-de-Luz, mais la rencontre. Il a prétendu qu'il a passé 15 jours dans ce trou, malheureux, sans voir personne. Là-dessus, je lui ai servi le nom. Alors il s'est fâché à prononcer le mot d'espionnage et a même parlé fort durement du pauvre Sireuil, qu'il accuse d'avoir fait le coup. « Mais allez-vous-en donc, lui ai-je dit, vous devriez déjà être parti. » La minute d'après, il avait passé ma porte. Mon Dieu, comme c'était facile. Dire qu'à certains moments je perdais tout espoir de me débarrasser jamais de ce tyran de ma vie. Je croyais être arrivé à lui par un de ces pactes terribles qui, jadis, lisaient une âme au démon. Ah, je peux le dire maintenant, cet homme me tenait par une épouvante véritable. Délivré. Telle a été ma première pensée ce matin à mon réveil, car j'ai dormi. Il me semble que je vais dormir une semaine sans m'arrêter. Ou peut-être tomberai-je malade, mais qu'importe à présent. Je ne crains plus que ce démon vienne me soigner, comme il m'en menaçait. Cher ami, tu m'as sauvé. Sans toi, j'aurais peut-être fini par tomber vaincu, non par l'amour, mais par la fatigue. Tu sais bien qu'on soumet les lions eux-mêmes en les empêchant de dormir, et ta pauvre Nadia n'est pas un lion, surtout en ce moment. Pour te dire toute la vérité, je ne sais plus ce que je suis. La seule impression que je découvre en moi est celle du vide. Mes pensées résonnent dans mon cerveau avec des échos sonores qui me font mal. Tu sais quel effet bizarre produit la voix quand on parle dans un appartement démeublé. Aujourd'hui, je pense entre quatre murailles nues. Il n'y a plus rien, tout est dévasté, tout est parti, tout est à refaire. La chose en vaut-elle la peine? Nous verrons, quand mon esprit et mon corps seront reposés. À l'heure actuelle, toute forme est impossible. Tout être humain m'effraie, mais le sexe masculin, sans exception, me fait horreur. Tu crois peut-être que je voudrais revoir Paul? Non, pas en ce moment. Il me faudrait donner des explications, répondre à des questions, témoigner de la joie, sourire. Je ne m'en sens pas la force. Tâche de lui faire comprendre l'état misérable où je suis. Mais surtout qu'il ne vienne pas, pas encore. Moi, je reste ici jusqu'à ce qu'un ressort quelconque se retrouve en moi pour me faire agir. Adieu. Je tombe d'épuisement. Mais je ne suis pas malheureuse puisque j'ai le repos. Nadia. Port-Blanc, le 8 août. J'ai reçu ta lettre du 30 juillet. Je vais mieux, malheureusement, car maintenant je pense et je t'assure que dans certains moments de la vie, le plus grand bonheur est de ne pas penser. Tu dis qu'il ne t'est pas possible de parler à Paul comme je te l'avais demandé. Tu as raison. Comment pourrais-je avoir une idée semblable? Ah oui, j'étais folle. Tu es trop jeune. Tu as trop l'air de ces belles saintes, glorieuses de leurs vertus, chastement sévères, qui n'ont jamais connu qu'un amour, celui du ciel. Écris-toi-même, me dis-tu, pauvre ami. Qu'est-ce que j'écrirai à cet homme qui souffre et qui doute depuis si longtemps? Qu'il peut revenir? Que je l'attends? Que je suis délivré? Glorieuse liberté, sans toi, sans la vie que tu m'as donnée, comment l'aurais-je conquise? Et s'il ne veut pas me revenir? S'il ne veut pas croire que rien ne me sépare de lui? Ou s'il me revient pour s'apercevoir que l'oubli est impossible, que l'amour est mort? Si seulement il te parlait de moi, s'il avait l'air de me regretter. Mais tu m'écris que mon nom ne sort jamais de sa bouche et qu'il parle de partir, mais pour aller plus loin de moi. Laisse-le donc partir. Laisse aller les choses. À quoi bon lutter contre la chance fatale qui me poursuit? Je sens bien que ma vie est perdue. Perdue pour une minute, pour le hasard d'une rencontre, pour le caprice orgueilleux d'un méchant homme. Je n'oublierai pas ta fête le 13 août. Ce jour-là, embrasse une fois de plus, à mon intention, ta chère Marthe, et pense au baiser que tu me donnais quand j'étais comme elle, une enfant heureuse, innocente et protégée par la meilleure des mères. Nadia.